Chapitre 25e. De l'interrogatoire de M. de Mulset se dégageaient pour le juge d'instruction trois faits très importants, l'innocence de l'inculpé, la certitude que Julien n'exercerait pas de représailles contre Mme Ripert, par voie judiciaire tout au moins, une contravention nettement caractérisée, laquelle pourrait être une solution. Ce dernier point restait à l'état latent dans son esprit. Une poursuite pour contravention de police dirigée contre un homme sur qui pèse une accusation capitale équivaut à une déclaration d'innocence. Mais elle peut avoir, eu égard au dénonciateur, plus de signification qu'une ordonnance de non-lieu pure et simple. Tout dépendait de l'attitude que prendrait Mme Ripert. Le palais de justice a ses indiscrétions et même ses cancans. Tout ce qui n'est pas de sa nature secret professionnel se dit et se sait. Les démarches faites par Mme Ripert ne pouvaient rester cachées. Elle n'avait d'ailleurs nullement voulu agir dans l'ombre. Elle comptait, au contraire, influencer le magistrat instructeur par ce qu'elle considérait comme une déclaration de guerre. Ce système aurait pu réussir dans un autre milieu que la magistrature. L'esprit de corps, le sentiment de la responsabilité individuelle et collective sont poussés très loin dans les compagnies judiciaires, quelle que soit leur importance numérique. Les membres peuvent n'être pas unis isolément par des liens affectueux. Ensemble, ils forment un tout qui s'impose au respect avec d'autant plus de force que le public n'est jamais initié aux secrets animosités. Hommes, ils ont, comme tous les hommes, des passions, des ambitions, des haines. Magistrats, ils pratiquent plus que les fonctionnaires des autres ordres la maxime salutaire de la solidarité. À la déclaration de guerre de Mme Ripert, on répondit par l'abstention. Sans s'être concertés, les magistrats de la cour et du tribunal cessèrent de ce jour de fréquenter la maison du cours des minimes. Ce fut pour cette femme une cruelle humiliation. Les conseillers, les juges, les représentants du ministère public étaient les ornements et les porte-respects de ces salons. Elle s'efforça le premier soir de dissimuler son dépit et ne parut pas avoir remarqué les vides nombreux, bien qu'elle eût l'habitude de passer ses visiteurs en revue et de s'informer des motifs ou du retard ou de l'absence. Le lendemain, elle ne put garder le silence. L'abstention gagnait même les avocats, qui ont tant d'attache au palais. On lui dit avec beaucoup de ménagement qu'elle devait, pour le moment du moins, renoncer à la visite des magistrats, que c'était de règle absolue toutes les fois qu'un procès était engagé. Sa colère, trop longtemps concentrée, éclata. Elle fut étincelante de persiflage. Elle portraitura en quelques traits vifs et pittoresques chacun de ses anciens amis, auxquels elle appliquait des qualificatifs tantôt violents, tantôt grotesques. Lorsque sa verve commençait à faiblir, elle réchauffait son inspiration en froissant d'un geste rapide une feuille de papier dont on pouvait voir les plis dans l'entrebâillement d'une élégante châtelaine pendue à sa ceinture. Cette feuille de papier n'était autre chose qu'une citation à comparaître devant le magistrat instructeur signifiée le matin même. La progression dans la fortune contraire était trop bien marquée pour que Mme Ripert ne s'en rendît pas compte et n'en fût pas exaspérée. Les femmes de ce caractère sont des malades. Leur état mental ne se maintient à peu près en équilibre que lorsque leur passion et surtout leur vanité sont pleinement satisfaites, leur volonté aveuglément obéie. Sinon, elles ne connaissent plus rien ni personne et ne respectent aucune bienséance. Le moi, toujours haïssable, les pousse à des révoltes folles. Le succès avait oblitéré le sens moral, l'opposition l'anéantit. Dussent-elles se compromettre gravement et se perdre, elles crient à la persécution et ne reculent devant aucun expédient. Oui, Mme Ripert devait aller compléter par sa déposition le récit qu'elle avait signé. Elle avait dédaigné jusqu'alors de consulter un avocat. Maintenant, elle n'osait pas. Les jeunes gens qui l'entouraient ne lui inspiraient aucune confiance au point de vue juridique. Elle ne se servait d'eux que pour expérimenter sa faconde et se donner du courage. Quand elle retomba dans sa solitude, la situation lui apparut défavorable, non seulement pour sa vanité, mais pour son influence. Le vide qui se faisait autour d'elle ne pourrait que se resserrer. C'était l'inévitable logique de la vie. Son prestige était dissipé par elle-même. Absorbée dans sa passion haineuse, elle repoussait tout sentiment de tendresse et d'amour avec des frémissements d'effroi et presque de dégoût. Madame Ripert devait être entendue le matin par le juge d'instruction. Elle prit le chemin des écoliers et passa du côté de la gare pour remonter le cours du roi René. Mauvaise inspiration. Au lieu de calmer son irritation, cette promenade allait augmenter le trouble de ses idées, sinon de sa conscience. Près de la gare, elle ralentit sa marche. Le sifflet de la locomotive annonçait l'arrivée d'un train. Dans les petites villes, le chemin de fer est la principale distraction. Les oisifs vont à la gare voir qui vient et qui s'en va. Les indifférents, quand l'occasion leur est offerte, ne manquent pas de satisfaire le besoin inné de la curiosité. Ce que fit Madame Ripert. Peut-être regardait-elle sans voir. Un des voyageurs avait trop intérêt à bien regarder, il la vit. C'était Sextius, bon enfant, qui arrivait directement de Paris et qui, une valise à la main, son seul bagage, allait à la recherche d'un hôtel. Il la vit. Lorsqu'il était étonné, ce réfractaire de la civilité puérile et honnête s'arrêtait brusquement, écarquillait les yeux, entr'ouvrait la bouche et par sa pantomime manifestait ses sentiments. La rencontre était si inattendue, la surprise si forte, que bon enfant leva les bras au ciel, ce qui n'était pas sans quelque ridicule. Avec les mains montait en l'air une grosse canne et une volumineuse valise. L'attitude de bon enfant était d'ordinaire une interpellation indirecte, un appel en quelque sorte télégraphique. Madame Ripert, ne l'ayant pas vu, ou si elle l'avait vu, ne l'ayant pas reconnu, il se résigna à l'aborder. Bien qu'il fît de méritoires efforts pour être aimable, pour donner à sa voix des inflexions doucereuses, ni le salut, ni l'inclinaison, ni les paroles ne parvinrent à être sympathiques. « Madame, j'ai l'honneur de vous présenter mes hommages, » articula-t-il sur un ton qui, à une personne prévenue, aurait donné cette impression, « j'ai bien envie de vous étrangler. » Madame Ripert était loin de penser à bon enfant, qu'elle avait oublié depuis fort longtemps, et dont elle ignorait les relations intimes avec Julien. Elle regardait curieusement ce gros homme et cherchait dans ses souvenirs quel nom appliquer à cette physionomie qu'elle croyait vaguement avoir entrevue autrefois. « Il est de fait, » ajouta-t-il, « que voilà beau temps que j'ai quitté Saint-Cana. Je ne m'attendais pas au plaisir de vous rencontrer à mon arrivée à Aix. Moi-même, monsieur, je n'habite plus Saint-Cana. Ah, vraiment? Mais ai-je donc tant changé que vous ne me reconnaissiez pas? Vous, madame, toujours jeune et belle ?» Ce compliment, qui avait dû écorcher le larynx du Provençal, raviva les souvenirs de la coquette. « Monsieur bon enfant, » s'écria-t-elle gaiement, et elle lui tendit une main que Sextus ne put refuser. « Par quel hasard ? » reprit-elle. « Oh, hasard !» Pour se donner une contenance et combiner une réponse incisive sans être compromettante, Sextus se baissa, opération difficile, et déposa sa valise à ses pieds. Quand il se fut redressé, « J'ai appris indirectement qu'il est arrivé malheur à un de nos compatriotes, dont le père fut mon meilleur ami, et j'ai pris ce prétexte pour quitter Paris, pour venir me remettre des souffrances du siège. Peut-être lui serais-je de quelque utilité. Vous le connaissez aussi, je crois, monsieur Julien de Mulsey. Ah, ce monsieur vous intéresse. Comment donc, si vous pouvez lui être utile? Seulement hâtez-vous, son affaire est très grave. Je crois que vous arriverez difficilement jusqu'à lui. Est-il donc arrêté ? » Madame Ripert ne répondit pas. Elle toisa son interlocuteur des pieds à la tête, comme si elle lui voulût prendre la mesure de cet adversaire inattendu. Elle le regarda bien en face, d'un regard de défi et de menace que Sextus soutint avec sa bonhomie souriante et narquoise, quoiqu'il eût été saisi par le doute. Puis, « Adieu, monsieur bon enfant, ou au revoir. » Elle s'éloigna sans lui tendre la main cette fois. Sextus la vit se diriger vers le cours du roi René. Il prit son temps pour relever sa valise. Au moment où il se remit en marche, Madame Ripert avait disparu. Cet incident l'avait ému plus vivement que toutes les oppositions qu'elle avait rencontrées jusqu'alors. Le voyage de Sextus, bon enfant, témoignait d'une réelle et sérieuse affection. Elle avait inspiré, elle, des passions violentes. Elle aurait pu lancer ses amants dans des aventures périlleuses où leur vie eût été sacrifiée. Jamais elle n'avait éprouvé de tels dévouements spontanés et désintéressés. Quelle était donc la vertu attractive de cet homme? Aurais-je fait fausse route? Pensait-elle. Peut-être eût-il été préférable de le rappeler à moi. Peut-être était-ce à moi qu'il aspirait? Non, non. Point de regret ni de pitié, c'est un misérable. C'est dans ces dispositions d'esprit, c'est en soutenant ce combat intérieur, que Madame Ripert arriva devant le juge d'instruction. Celui-ci releva à peine la tête à son entrée, la fit distraitement asseoir, affecta de terminer une note, remua des dossiers, et la laissa se morfondre pendant plusieurs minutes. Enfin, « J'ai à vous demander quelques éclaircissements, madame. Je suis prête à répondre à vos questions. » Il y eut un instant de silence. Le juge feuilleta de nouveau des paperasses. « Monsieur de Mulsey avait-il des sentiments de haine à l'égard de Monsieur de Préval ?»« Je l'ignore. » « Monsieur Préval connaissait-il les motifs de la visite de Monsieur de Mulsey ?»« Je ne comprends pas la portée de cette question. » « C'est que si Monsieur Préval, qui peut-être s'est bercé de l'espoir d'associer son existence à la vôtre, monsieur, permettez-moi de préciser. Je dis que Monsieur Préval, si telle était son espérance, aurait pu être irrité par la venue mystérieuse de Monsieur de Mulsey, et dans sa colère, s'exalter au point de précipiter le dénouement fatal de sa maladie. Ce qui signifie, madame, que dans les faits de la cause, les seuls qui nous intéressent, les seuls qui nous impressionnent, les seuls qui agissent sur nous, rien n'accuse M. de Mulsey. Vous insinuez, il nie formellement. Vous avez réclamé impérieusement l'autopsie du cadavre. Cette autopsie n'a point fait découvrir de lésions graves. Le médecin expert a constaté que le corps ne portait aucune trace de coup, aucune ecchymose, pour me servir du terme scientifique. Le juge avait, sur son bureau, à portée de la main, plusieurs gros volumes entre les pages desquels paraissaient des fiches. Il les ouvrit aux endroits marqués, compara divers passages, fit sans se presser un travail d'analyse. Madame Ripert se mordait les lèvres jusqu'au sang pour ne pas éclater. Elle endurait un véritable supplice. Lorsque le magistrat instructeur jugea l'épreuve suffisante, « Cet ouvrage est le traité de médecine légale du docteur Tardieu. Le savant spécialiste affirme, il est vrai, qu'un coup porté dans la région de la poitrine sur une personne vivante avant la mort peut ne pas laisser de traces extérieures. Mais il cite de nombreux exemples de blessures et même de blessures profondes faites au cœur et qui n'ont pas amené la mort immédiate. Ces deux observations se neutralisent. Il est impossible d'en tirer un argument probant dans le cas spécial de M. Préval. » Le juge n'avait pas tendu un piège à Mme Ripert en parlant des coups portés avant la mort. Mais comme il observait attentivement ces jeux de physionomie, il la vit tressaillir et sursauter à l'énoncé de cet aphorisme médico-légal. Il ne pouvait se servir juridiquement de la découverte qu'il venait de faire, ou plutôt du soupçon qui pénétrait dans son esprit. Cependant, négligeant les points intermédiaires de l'interrogatoire qu'il s'était tracé, il arriva brusquement à sa conclusion. « Donc, des preuves nous sont nécessaires. Avez-vous entendu la discussion de ces messieurs? Avez-vous vu porter les coups ?» Madame Ripert était à bout de patience. « Eh, monsieur, s'écria-t-elle, je ne suis pas chargée de l'instruction. C'est le monde renversé. Les criminels ont-ils le beau rôle aujourd'hui? Proposez-le pour le prix Montyon, ce monsieur. Je dis, moi, qu'un crime a été commis, c'est à vous de le constater. Ne voyez-vous pas que monsieur de Mulsey s'est introduit furtivement chez moi avec l'intention de m'extorquer une dot? Ce misérable a été autrefois mon amant, et il a le cynisme de vouloir épouser ma fille. » Après avoir couru le monde pendant 3 mois avec elle, il a sans doute dissipé sa fortune et celle de cet enfant, et il a conçu le beau projet de me ruiner aussi. Oh, il est assez hypocrite pour simuler de généreux sentiments, pour faire croire à son désintéressement, à sa vertu peut-être. On ne m'en impose pas à moi. Cet homme est capable de tout, vous dis-je. Un ami, un véritable ami, celui-là, s'est dressé devant lui, bien décidé à défendre mon honneur. Mais cruel autant qu'il est lâche, M. de Mulsey a abusé de sa faiblesse momentanée. Voilà la vérité. Des preuves matérielles, je n'en ai pas, cherchez-les. La justice était bien souvent égarée par de fausses dénonciations. Quand elle se jette sur la piste qui lui est indiquée, quand elle tombe dans un piège, il lui est difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas persévérer dans son erreur première. L'accusé est enlacé dans un réseau de mailles si habilement tramé que ses miracles s'il échappe à la cour d'assises. Le jury l'acquitte quelquefois, grâce au talent et à l'éloquence d'un avocat qui s'est passionné pour faire triompher la vérité. Madame Ripert, si elle avait eu le temps, aurait certainement combiné quelques diaboliques machinations contre Julien. Sa dénonciation n'ayant pas eu l'effet qu'elle en attendait, l'irritation lui faisait perdre la tête. Ses violences de langage, ses virulentes apostrophes, n'eurent d'autre résultat que de retarder de quelques jours la clôture de l'instruction. Le juge résolut d'interroger Mélanie afin d'établir sa situation véritable vis-à-vis de M. de Mulsey, et il lança immédiatement une citation.